du recueil L'Ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle. Poisson d'avril. La cabane d'Eb Durton n'était pas belle. D'aucuns la prétendaient affreuse, et d'autres, sans doute, pour donner plus de poids à leur critique, allaient jusqu'à faire précéder cet adjectif d'une locution grossière fort en usage à l'écluse d'Harvey. Eb Durton, par contre, était un homme fruste et paisible, qui se souciait fort peu du blâme ou des louanges d'autrui. Il avait construit cette cabane de sa propre main. Elle était à la convenance de son associé et à la sienne. Que pouvait-il désirer de mieux? Rien, n'est-ce pas? Aussi regimbait-il très vite dès qu'on cherchait à entamer avec lui une discussion sur ce sujet. « Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai construite, » déclarait-il. « Mais je parie qu'elle tiendra plus longtemps que n'importe quel autre cambus de la vallée. Il y a des trous dedans, dites-vous, et pardi bien sûr qu'il y a des trous dedans. Comment donc qu'on ferait pour respirer s'il n'y en avait pas? Au moins, chez moi, on ne peut pas dire que ça sent le renfermer. De quoi? Il pleut dedans? Eh bien, et puis après? Est-ce que ce n'est pas un avantage de savoir tout de go qu'il pleut sans avoir besoin pour ça d'aller ouvrir la porte? Pour mon compte, je ne voudrais pas habiter une maison qui ne laisserait pas filtrer l'eau du tout. Quoi encore? Elle est de travers. Ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime mieux une maison qui penche un peu. Et d'abord, est-ce que ça vous regarde? Est-ce qu'elle ne plaît pas à mon associé, le patron Morgan? Si. Eh bien alors, du moment qu'elle lui suffit comme ça, elle doit me suffire à moi aussi, je pense. Sur quoi, jugeant que la discussion prenait un tour un peu trop direct, l'adversaire trouvait en général plus sage de ne pas insister et préférait abandonner la victoire au rébarbatif architecte. Mais si les opinions étaient quelque peu partagées quant à la beauté de cette installation, il n'en allait pas de même de son utilité qui, elle, était incontestable. Pour le voyageur exténué qui cheminait péniblement sur la route de Burkast dans la direction de l'écluse, la chaude lueur qu'on aperçoit sur le sommet de la colline devenait un rayon d'espérance et un avant-goût de bien-être. Ces trous, même à propos desquels les voisins d'Eb Durton faisaient tant de gorges chaudes, servaient précisément au contraire à répandre une atmosphère lumineuse autour de la cabane et la rendaient doublement accueillante par une nuit telle que celle où commence le récit qu'on va lire. Il n'y avait ce soir-là qu'un seul homme dans la cabane, et cet homme, c'était celui qui en était le propriétaire, Eb Durton lui-même, Osaï, comme l'avaient surnommé ses camarades. Eb était assis en face de son grand feu de bois, considérant d'un œil morne les flammes dansantes et décochant de temps à autre un coup de pied rageur à un fagot qui menaçait de s'éteindre. Sa blonde figure saxonne, aux yeux francs et naïfs, à la barbe hirsute et jaunâtre, éclairée par les reflets dansants de l'âtre, se découpait avec des contours nets et précis sur le fond sombre de la pièce. C'était un visage mâle et résolu que celui d'Eb Durton, et pourtant un physionomiste un peu habile n'aurait pas été sans remarquer qu'il y avait, dans les lignes de sa bouche, quelque chose qui dénotait un certain manque de volonté, une sorte d'indécision, qui formait un étrange contraste avec ses épaules herculéennes et ses membres musclés. Eb était une de ces natures simples et confiantes qu'il est aussi facile de diriger qu'impossible de commander. Et c'est cette bienheureuse souplesse de caractère qui faisait de lui tout à la fois le bouc émissaire et le préféré des habitants de l'écluse. La raillerie, en ce primitif établissement de chercheurs d'or, était souvent poussée très loin. Mais on avait beau dire et beau faire, jamais aucune expression mauvaise n'apparaissait sur la figure d'Osaï. Jamais aucune pensée méchante ne troublait son cœur honnête. C'est seulement lorsqu'il croyait qu'on voulait faire offense à son associé qu'on le voyait se départir de sa placidité habituelle. Alors, sa mâchoire inférieure s'avançait, menaçante, ses yeux bleus dardaient des éclairs courroucés, et cela en disait si long que les plus acharnés moqueurs s'empressaient de couper court à leur boutade pour entamer une longue et grave dissertation sur la pluie et le beau temps. « Le patron est en retard ce soir, » murmura-t-il, en se levant et en s'étirant de tous ses membres. « Christi, quel temps de chien! Pas vrai, Blinky ?» Blinky était un hibou songeur et sage dont le bien-être était un objet de sollicitude constante pour son maître, qu'il contemplait en ce moment avec gravité du haut de la poutre sur laquelle il se tenait perché. « C'est bien dommage que tu ne puisses pas parler, Blinky, » poursuivit Eb en regardant son compagnon à plume. « Tu as toujours l'air de si bien comprendre. Et puis, je ne sais pas, tu as quelque chose d'un peu mélancolique, mon vieux. Tu auras été malheureux en amour dans le temps que tu étais jeune, sans doute. « Tiens, à propos d'amour, » ajouta-t-il, « ça me fait penser que je n'ai pas vu Suzanne aujourd'hui. » Et, allumant un bout de bougie qui était fiché dans le goulot d'une bouteille noire posée sur la table, il traversa la pièce et se mit à étudier attentivement l'un des portraits que lui et son associé avaient découpés dans les journaux illustrés et qu'ils avaient collés au mur. Celui qu'il était en train d'examiner représentait une actrice vêtue d'un chatoyant costume et qui, un bouquet à la main, minaudait bêtement devant des spectateurs imaginaires. Cette photographie, pour des raisons qu'il serait malaisé de définir, avait causé une impression des plus vives sur le cœur sensible du mineur. Pour se la rendre plus familière, sans doute, il l'avait un beau jour baptisé solennellement et à tout hasard Suzanne Bank, et en avait fait son prototype de la beauté féminine. « Vous voyez ma Suzanne », avait-il coutume de dire lorsqu'un voyageur, venant de Bruxhurst ou même de Melbourne, lui décrivait les charmes de quelques blondes circées rencontrées par lui dans l'une de ces villes. « Elle n'a pas sa pareille, Matthew. Si jamais vous retournez dans notre vieille Angleterre, demandez qu'on vous la fasse voir. C'est Suzanne Banks qu'elle s'appelle, et j'ai son portrait chez nous, à la Cambuse. » Hub était encore en extase devant sa belle lorsque la porte grossière s'ouvrit avec violence. Une trombe d'eau et de grésil s'engouffra immédiatement dans la cabine, masquant presque sur le moment un jeune homme qui venait d'y faire irruption et qui maintenant s'efforçait de refermer la porte, chose assez difficile en raison de la tourmente. Avec l'eau qui ruisselait sur ses longs cheveux et retombait sur sa figure pâle, aux traits fins, on l'eût pris pour un dieu de la tempête. « Eh bien, » demanda-t-il d'un ton bourru, « il y a donc rien à manger ce soir ?»« Si fait, le souper est là, tout prêt, » lui répondit avec entrain son compagnon, en indiquant du doigt une grosse marmite qui bouillait auprès du feu. « Tu es plutôt mouillé, mon pauvre vieux. »« Mouillé ?» gronda l'autre. « Dis plutôt que je suis trempé comme une soupe. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, en tout cas, pas un chien pour lequel on a un peu d'estime. Passe-moi ce paletot sec qui est accroché au clou là-bas. » Jack Morgan, le patron, comme on l'appelait communément, appartenait à une catégorie d'individus beaucoup plus répandue qu'on ne serait tenté de le supposer dans les mines, à cette époque où venait d'éclater pour la première fois la fièvre de l'or. C'était un garçon de bonne famille, qui avait reçu une éducation choisie et conquis tous ses grades universitaires. Si les choses avaient suivi normalement leur cours, le patron serait sans doute devenu quelque pasteur zélé ou quelque vaillant professeur acharné vers le but à atteindre. Mais le destin en avait décidé autrement. Le destin et aussi quelques particularités latentes de son caractère dont il avait hérité peut-être de son aïeul, le vieux sir Henry Morgan, qui avait fondé la famille avec des pièces de 8 courageusement conquises aux Espagnols sur les hautes mers. C'est, à n'en point douter, ce sang aventurier qui bouillait dans ses veines qu'il avait décidé à prendre ce parti décisif. Sauter une nuit par la fenêtre de la chambre qu'il occupait dans la cure du pasteur, son père, et abandonner parents et amis pour s'en aller tenter la chance dans les champs d'or australiens avec une pelle et une pioche. Les rudes habitants de l'écluse d'Harvey n'avaient pas tardé à s'apercevoir qu'en dépit de ses manières délicates et de sa figure efféminée, ce petit bonhomme était doué d'un courage tenace et d'une indomptable volonté. Deux choses qui eurent le don de le faire respecter aussitôt dans cette communauté où l'énergie était considérée comme l'un des plus remarquables attributs de l'homme. Personne ne savait au juste à la suite de quelles circonstances il s'était associé avec Osai. Mais il est un fait certain, c'est qu'il s'était associé, et que depuis lors, la bonne et simple nature du plus vigoureux n'avait cessé d'admirer, avec une sorte de respect superstitieux, l'esprit de décision et la clarté de raisonnement de son plus faible compagnon. À la bonne lettre, cela va mieux, dit le patron, en se laissant tomber sur la chaise restée vacante devant le feu, et en regardant Abbé disposer sur la table les deux assiettes de métal, avec les couteaux à manches de corne et les fourchettes exagérément pointues. Retire les bottes de mine, Osai, il est inutile de remplir la cabine de terre rouge. Là, et maintenant viens t'asseoir ici. Son géant d'associé s'approcha timidement et se percha sur le haut d'une barrique. « Qu'est-ce qu'il y a » interrogea-t-il. « Ce qu'il y a, il y a que les actions montent, mon vieux, » lui répondit son compagnon en sortant un journal froissé de la poche du vêtement trempé d'où s'élevait un nuage de vapeur. « Tiens, regarde, voici la Buckhart Sentinel. Lis cet article. Il parle d'une hausse sur la mine de Connemara, nous possédons un assez joli lot d'actions de cette affaire, mon garçon. Et si nous les vendions aujourd'hui, j'estime que nous en retirerions un beau bénéfice, mais il sera plus sage, je crois, d'attendre. » Pendant qu'il parlait ainsi, Hub Durton s'efforçait péniblement d'épeler l'article en question, suivant les lignes du bout de son gros index rugueux et marmottant les mots dans sa moustache jaune. « $200 par action ! » s'écria-t-il en relevant la tête. « Mais dis donc, compagnon, nous en avons chacun 100 actions à nous. Ça nous donnerait par conséquent $20,000. Avec ça, on pourrait bien retourner au pays. » « Tais-toi donc, » protesta le patron. « Nous ne sommes pas venus ici pour récolter seulement une misérable somme de $20,000. Tu verras que cela montera encore. Sinclair, tu sais, l'expert, a été visiter la mine. Il affirme qu'elle contient la couche de quartz la plus magnifique qu'il ait jamais vue. Il ne s'agit plus que de se procurer les machines nécessaires pour la briser. » Après cela, il y eut, dans leur conversation, une longue pause, pendant laquelle ils écoutèrent le tumulte du vent qui hurlait et sifflait autour de la cabane étroite. « Y a-t-il du nouveau à Buckhurst ?» demanda enfin Ab, en se levant pour aller retirer leur souper de la marmite. « Pas grand-chose, » lui répondit son compagnon. « Joe, le borgne, a été tué d'un coup de revolver par Billy Reid dans le magasin de McFarlane. »« Ah !» soupira Ab, d'un ton indifférent. « Les Bushrangers ont assiégé et pillé la station de Rockdale. Il paraît qu'ils se dirigent maintenant de ce côté-ci. » Le mineur, qui était occupé à verser du whisky dans le cruchon, laissa échapper un petit sifflement. « C'est tout ? » s'informa-t-il. « Je ne me rappelle pas avoir appris autre chose de bien important, à part que les Noirs ont tenté de s'insurger du côté de New Sterling, et que l'expert a acheté un piano et va faire venir sa fille de Melbourne pour l'installer dans la maison neuve qui fait face à la sienne, de l'autre côté de la route. « Tu vois par là, mon ami, que nous allons avoir de quoi nous distraire, » ajouta-t-il en s'asseyant et en commençant à attaquer le plat qui était devant lui. « Il paraît que c'est une beauté, mon vieux Osaye. En tout cas, je suis bien sûr d'une chose, c'est que Matthew pourra encore lui rendre des points sur ce chapitre-là, » riposta l'autre. Jack Morgan sourit en portant les yeux vers l'éblouissant portrait collé à la cloison de bois. Mais soudain, il lâcha son couteau et demeura immobile, l'oreille tendue. Au milieu du vacarme du vent et de la pluie, on distinguait un grondement sourd et prolongé qui n'était évidemment pas produit par les éléments.